Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 13 février 2018. Voici les grands titres de cette édition. Des rafles ont été organisées ce lundi dans certaines rues de la commune Guihanga. Un groupe d'hommes demandait à tous les passants des récépissés attestant qu'ils se sont fait inscrire aux élections prochaines. Une opération similaire est en cours à Karouzi. Et c'est la journée mondiale de la radio, l'occasion de renforcer la diversité, la paix et le développement à travers la couverture sportive. Selon l'UNESCO, le président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs a saisi cette occasion pour demander aux administratifs de faciliter la tâche aux journalistes. Et puis, les boissons qui ont été déversées dans le quartier Gitaramukan, zone Moussaga, mairie de Bujumbura, sont des boissons prohibées. Nous aurons les précisions de Daniel Kabura, administrateur de la commune. Moura est dans la chronique santé, ce sera à la fin de ce journal. Il sera question de la dépression avec un spécialiste, Dr Sylvain Sakou. Il est psychiatre. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je venais de vous le dire, les boissons qui ont été déversées dans le quartier Gitaramukan, zone Moussaga, mairie de Bujumbura, sont des boissons prohibées. C'est Daniel Kabura, administrateur de la commune Moura, qui donne cette précision en disant que la police a une expérience en la matière. Il ajoute que de telles activités se sont déroulées dans d'autres quartiers de cette commune. Des boissons prohibées ont été déversées. Suivez-le. Ce n'est pas le boisson traditionnel qui est reconnu au niveau du Burundi qui a été déversé, mais c'est plutôt un boisson qui est mélangé par d'autres produits nocifs, le boisson communément appelé Inconefere. Je crois que nos services, la police, l'administration et aussi la justice, nous conjuguons des efforts ensemble pour que la population ne soit pas endommagée par des produits nocifs comme ce boisson qu'ils commercialisaient. Est-ce qu'à l'heure unie, ces boissons se remarquaient qu'il y avait des produits mélangés? Oui, la police a une expérience suffisante à la matière. Ce n'est pas la toute première fois qu'ils déversent de telles boissons. On a déjà fait cette activité à Kimindo, à Kanyosha. Ce n'est pas au Moussaga que la police pouvait faire cette activité avec d'autres mobiles qui ne sont pas appropriés à leurs activités quotidiennes. Il faut qu'ils sachent que la police est là pour assurer la sécurité et surtout la population burundaise. Sur ce point-là, la police doit veiller. Elle savent beaucoup les différents boissons et les boissons traditionnelles et reconnues par tout le monde. Et ces boissons qui sont mélangées par d'autres produits, ils sont aussi reconnus. Il n'y a pas d'erreur qui a été faite. C'était l'administrateur de la commune Moura, Daniel Kabura. Je vous l'avais dit, un enseignant de l'école fondamentale de Bubanza 2 a été arrêté ce lundi. Il est pour le moment détenu au cachot de police judiciaire de Bubanza. Grandisa Oscar, qui a été appréhendé par les policiers à son service, tout près d'un bureau d'inscription, est accusé d'avoir agressé les agents recenseurs et d'avoir critiqué le travail d'enrôlement. Et des rafles ont été organisées ce lundi dans certaines rues de la commune Guihanga. Un groupe d'hommes demandait à tous les passants des récépissés attestant qu'ils se sont fait inscrire aux élections prochaines. Les passants se lamentaient et disaient qu'ils ont encore du temps pour se faire enrôler. De son côté, l'administrateur de la commune Guihanga explique qu'il ne sait rien de ces rafles et que ce seraient des gens qui se sont improvisés. Et une opération similaire est en cours en province de Karouzi et nous sommes en ligne avec notre correspondant Blaise Pascal Kararoumiye. Décrivez-nous la situation, Blaise. Oui, Jean Bosco, c'était juste... Au niveau du mur de l'Interbank, la banque qui est au chef-lieu de la province Karoussi, c'est juste à côté aussi de la banque BCB, où on avait érigé cette corde, c'est juste aussi à l'entrée, au niveau de l'entrée du centre de santé de la place. Et cette corde a été érigée, était gardée par les motards qui ont le parking sur la place, c'est juste à côté du mur de l'Interbank. Et tout passant qui y arrivait, on devrait lui demander d'exhiber le récépissé d'inscription aux élections du référendum de 2020. Nous sommes arrivés à bord, c'était à 10h30, nous sommes arrivés à bord d'Inimoto et nous aussi nous avons été arrêtés, on nous a arrêtés. Et il y avait déjà une chaîne de véhicules, et les véhicules dont les propriétaires sont certains qui vivent sur place, ici même au chef-lieu de la province, et même d'autres qui, j'ai trouvé qu'il y avait même des visiteurs. Et on, dans ces véhicules, chaque fois, ces jeunes qui gardaient la corde se présentaient aux occupants du véhicule et leur demandaient les récépissés. Celui qui présentait le récépissé, on ouvrait la porte, on ouvrait plutôt la corde directement, il traversait. Mais celui qui ne présentait pas le récépissé était gardé là-bas. Nous avons trouvé aussi des vélos, les vélos et les motos qui étaient sur place. J'ai vu que pour les vélos dont les propriétaires n'avaient pas présenté les récépissés, tout de suite, on dégonflait l'opiné. On éliminait donc on dégonflait l'opiné et on mettait le vélo à part. C'est de même pour les motos. Alors Blaise, qu'en est-il maintenant et y a-t-il eu intervention des forces de l'ordre ou de l'administration? Alors à cette même heure, le commissaire communal de la police au niveau de la commune de Ouiga, il est passé et directement je lui ai demandé si ce sont des mesures de sécurité que la police a déjà prises. Et lui nous a dit qu'il faut demander cela à l'administrateur communal. Par après, nous avons contacté l'administrateur communal pour lui demander s'il est au courant de la mise en place de ces cordes au niveau du centre-ville même. Et l'administrateur nous a dit qu'il n'était pas au courant de la mise en place de cette corde, mais il dit qu'il avait demandé à ses motards de sensibiliser seulement les motards et toute la population des environs. Même le responsable des motards Motabou à Karoussi, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'ils arrêtent les gens et lui a dit que c'est de l'administration que c'est l'administration qui a donné l'ordre. Alors maintenant, la circulation est fluide, les gens passent normalement. Oui, maintenant les gens passent parce que après l'administrateur a donné peut-être que avec l'intervention du commissaire communal qui aurait contacté l'administrateur et on a dit à ces motards de ne plus tendre cette corde au niveau de cette route. Justement pour ne pas bloquer la circulation. Merci Blaise pour toutes ces précisions. Ce journal se poursuit, je vous l'ai dit, c'est la journée mondiale de la radio. Certains habitants de la ville de Bujumbura disent que les radios ont une importance primordiale dans leur vie sociale et ces derniers saluent également les informations que les radios diffusent à travers le monde et c'est au moment où le monde célèbre chaque année, le 13 février, la journée dédiée à la radio. Voici le micro-baladeur de la rédaction Isanganiro. La radio, c'est un moyen important de transmettre des informations importantes à la population. C'est un canal qui sert de transmission des informations utiles par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à la politique, par rapport en général de la vie des gens. La radio nous permet d'avoir des informations d'une manière rapide et une occasion offerte pour tout le monde afin de savoir l'actualité au niveau national et international. Aussi, je dirais que la radio est un cadre d'expression pour les sans-voix parce que la radio donne la chance de véhiculer l'information d'une manière, je dirais, rapide. On peut faire une activité avec 20 personnes. Grâce à la radio, il y a 1000 moyens de toucher le maximum de personnes. Possible. Et la radio sert à suivre les informations du monde, sert aussi à suivre les publicités et on sert aussi à suivre les différentes émissions qui se passent. La radio nous aide beaucoup de choses en concernant des communications, des informations différentes, juste pour la reconnaissance générale ou des informations. Souvent, nous sommes dans une pays là où il y a beaucoup de problèmes. En ce qui concerne la politique, c'est pour cela que tout le monde devant à l'écoute de sa poste radio pour en savoir d'où nous sommes à ce moment ou bien pour connaître la situation du pays. Ça aussi, ça nous aide. Aussi, la situation du pays. Voilà, c'était le micro-baladeur de la rédaction Isanganiro à propos de cette journée mondiale de la radio qui est célébrée au Burundi sous le thème « Le sport dans les radios » et qui coïncide avec le processus électoral dans notre pays. Le président de l'Association des radiodiffuseurs ABR appelle les journalistes à exercer leur métier dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Et aux administratifs, il demande de faciliter la tâche aux journalistes. Suivez plutôt Onésime Harubuntu, il est président de l'ABR. Par rapport à l'activité en rapport avec le référendum, ce que nous demandons aux journalistes, c'est d'être professionnels, c'est de respecter l'éthique et déontologie journalistique et la loi régissant la presse dans la collecte des données, dans la diffusion de l'information. Et ce que nous demandons aux administratifs, c'est de travailler en étroite collaboration avec les journalistes, parce que les journalistes sont des Burundais, et je crois que eux aussi, ils ont besoin de donner une information vérifiée, une information sûre, une information qui édifie la population burundaise. Il est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est toujours possible. C'est toujours possible quand on veut travailler comme un professionnel. Voilà donc ce que nous demandons, que ce soit les journalistes et les administratifs, collaboration, une coopération parfaite pour que l'information donnée soit une information édifiante. Je vous remercie. Onésime Harubuntu, c'est le président de l'ABR, l'Association burundaise des radiodiffuseurs. Il est 13h08 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les convoyeurs du parking du sud de Bujumbura se plaignent de 7000 francs bout qu'ils payent pour acheter des tricots. Ils disent encore que ce prix ne correspond pas à la qualité de ces vêtements. Le vice-président de leur association indique que ces uniformes vont servir à leur identification. Fabiola Ndouimana. Au parking de Bissi, plenant la direction sud du pays, il règne des mésententes entre les convoyeurs et les représentants. Les convoyeurs disent qu'ils ne comprennent pas l'importance d'acheter des tricots alors qu'ils ont des badges et demandent à leurs représentants de leur fournir des explications suffisantes. Le vice-président de leur association dit que ces tricots serviront d'uniforme pour différencier les convoyeurs aux voleurs. À propos d'une amende de 2000 qui est demander à ses convoyeurs du jour au jour pour ceux qui n'ont pas encore acheté ces tricots. Le responsable a indiqué que cette amende est comme un encouragement pour ceux qui ont négligé ce fait. Et dans l'actualité également, les agriculteurs des différentes provinces se plaignent du retard observé dans l'octroi des intrants chimiques, alors qu'ils se sont déjà acquittés d'une partie des frais alloués à ces produits agricoles. Dans l'émission Ahiwanyo Avugwamaki de ce lundi, qui passe à la radio Isanganiro, ces agriculteurs ont regretté qu'ils risquent de connaître un retard pour la saison culturelle B. Ils demandent donc aux instances habilitées de trouver une solution à ce problème. Suivez-les, ils se sont exprimés dans l'émission Ahiwanyo Avugwamaki, comme je le disais. Cette émission était animée par Didier Niyonzima. Je suis à Samanhore, en commune Musongati de la province Rutana. Je voudrais exposer le problème relatif au retard d'intrants agricoles. Avant, les engrais chimiques nous parvenaient au début du mois de février. Nous observons un grand retard pour la saison culturelle en cours. À Mokike, nous avons un problème de manque d'engrais. La chaux est déjà là depuis un mois, mais on nous l'a refusé parce que l'engrais chimique n'est toujours pas disponible. Mais au moins, on devrait avoir cette chaux pour qu'on s'en serve dans les champs en attendant parce qu'on a déjà payé. En commune Kayokwe de la province Mwaro, nous avons un problème. Nous n'avons pas encore reçu les engrais chimiques alors que nous avons déjà payé une avance. On aurait déjà commencé à semer depuis le 5 février, mais maintenant, nous avons enregistré un retard. Nous demandons aux organes concernés de régler ce problème pour prévenir la famine. Je suis en commune Butaganzwa de la province Luigi. Les agriculteurs grognent parce qu'ils attendent toujours les intrants agricoles alors qu'il est temps de cultiver. En principe, les intrants agricoles nous parviennent au début du mois de février. Mais aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle. Et les commerçants de Kinama se lamentent des coûts estimés exorbitants qu'on leur impose pour la construction de stands dans le nouveau marché. Ils disent qu'une seule société aurait conclu le marché de construction de ces stands dans tous les 7 marchés qui ont été réhabilités à Miro de Bujumbura. Ils demandent que si même il faut que le constructeur soit le seul, il faudrait que les commerçants s'entendent avec lui sur les coûts. Léonce Vitalio. Comme le disent ces commerçants, la construction d'un stand d'une superficie d'un mètre et demi au carré va leur coûter 690 000 francs burundais, une somme jugée exorbitante selon eux. Ce qui nous pousse à dire qu'on nous exige une très grosse somme, c'est parce que les trois côtés du stand n'appartiennent pas seulement à un propriétaire. Pour dire que les dépenses doivent être partagées, on ne doit que s'occuper d'un seul côté de devant. Et d'ailleurs, nos soudeurs ont fait leur devis. Un stand ne devrait pas dépasser 450 000 francs bou. Ce surplus de 240 000 francs bou n'est pas du tout compréhensible. Les commerçants d'Okinama disent ne pas être contre la décision de la mairie de Bujumbura de faire un même plan de construction de stands dans les nouveaux marchés. Mais pour eux, celui qui a gagné le marché devrait travailler sur les prix convenus avec les propriétaires de stands. Comme ils ont décidé de nous imposer ce qu'ils doivent construire nos stands, il serait mieux de nous mettre en contact avec cette association qui s'en charge pour mettre les choses au clair. C'est vrai qu'ils veulent des stands identiques, bien aménagés, mais cela n'empêcherait pas à nos soudeurs de les construire à base de ce plan proposé par la mairie. Les commerçants d'Okinama qui se sont confiés à Isanganiro se lamentent également que les membres du comité n'ont pas été de consensus. Ils déplorent que 2 sur 5 soient d'une même famille, 3 sur les 5 encore ne seraient pas commerçants, du moins dans le marché d'Okinama. Merci Léon. C'est le marché de Kinama nouvellement réhabilité fait donc face aux multiples défis dont l'attribution frauduleuse des places où seront construits des stands par les anciens gestionnaires. C'est Mawinimana Jean-Claude, représentant des commerçants, qui le dit et il nie en bloc les accusations contre lui comme quoi il ne serait pas commerçant. Selon lui, il est incompréhensible que ceux qui ont causé du désordre dans l'attribution des places soient les premiers à revendiquer la construction des stands avant la rectification des manquements observés. Suivez plutôt Jean-Claude Mawinimana, il est traduit par Elie Nibel Nivikira. Jusqu'à l'heure ici, je ne comprends pas pourquoi ils disent que je ne suis pas commerçant. Pour être commerçant, il faut d'abord avoir la fiche du commerçant et avoir un stand. Il faudra arriver sur terrain. Aller vérifier sur les listes des commerçants qui bénéficieront de stands que la mairie a élaboré, que je n'en fais pas partie. Comment dirait-il aujourd'hui que je ne suis pas commerçant? M'ont-ils inséré alors que je suis pas commerçant? Il y a des anciens commerçants qui n'ont pas eu les espaces et ils sont nombreux. Les autres qui ont été attribués des articles qu'ils ne vendent pas. Ils vendent des sous-vêtements à la place de la viande, des matériaux au lieu des légumes, alors que les marchandises seront installées séparément dans le marché d'Okinama. On va d'abord régler certains problèmes et puis on s'occupera des autres. Par exemple, on a ouvert pour leur montrer leur stand. C'était un sentiment de consternation parce que deux personnes ne peuvent pas partager une seule place, ni abandonner, alors que d'autres n'en ont pas eu. Il faut d'abord une nouvelle réattribution des stands pour rester avec une seule place et que les autres commerçants soient régularisés. Et dans le reste de l'actualité, en bref, avant la chronique santé, je vous le rappelle, il sera question de la dépression. Sept veilleurs du marché de Djabé ont passé la nuit de ce lundi au cachot du bureau spécial de recherche. Les informations données par le commissaire de ce marché disent que ces veilleurs ont été arrêtés parce qu'ils ont refusé d'exécuter l'ordre de la mairie de Bujumbura de quitter le travail pour laisser la place à la société de gardiennage qui a gagné le marché de garder les marchandises. Les membres des familles de ces veilleurs disent que c'est une injustice à leur égard parce que même les commerçants qui les avaient engagés ne les avaient pas encore renvoyés de leur travail. Ils demandent la libération des leurs. Et 66 Congolais qui vivaient en clandestinité à Karonda dans la ville de Rumonge étaient déjà dans les mains de la police de Rumonge à 10h du matin ce mardi. La police les accuse de s'être rebellés contre la mesure du gouverneur de Rumonge les invitant à se faire inscrire auprès des administratifs jusqu'au dimanche dernier. Le commissaire provincial de police à Rumonge dit que tous ces Congolais seront remis au Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Et deux semaines après la calmie dans le sud Kivu, le commerce via le port de Rumonge n'a pas encore repris. La nouvelle tarification des services est venu aggraver la situation selon les usagers de ce port, ce que nie le directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire. Et les cours n'ont pas repris même ce mardi matin au lycée technique Kamembe en commune Rutovu de la province Bururi, malgré la descente y effectuée ce lundi par le directeur provincial de l'enseignement. Les élèves en grève depuis bientôt plus d'une semaine exigent au préalable que de la lumière soit apportée sur la gestion des fonds irrégulièrement collectés par leur directeur. Firmin Uchumi, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, déclare que tout est prêt pour la sécurité de ceux qui veulent étudier, tandis que les autres devront attendre jusqu'au 12 mars prochain, date à laquelle l'inspection provinciale aura fourni son rapport sur la gestion des fonds à cette école. Et certains Burundais qui visitent le Sénégal et ceux qui sont basés à Dakar dénoncent ce qu'ils appellent vol dont ils sont victimes de la part du consulat sénégalais au Burundi. Ils indiquent qu'il les fait payer 90$ pour le visa alors que c'est gratuit et ils demandent aux services habilités d'arrêter ce phénomène. Radio Isanganiro Chronique. La dépression est une maladie qui se localise au niveau du cerveau et peut être causée par le vécu des individus, selon Dr Sylvie El-Sakoubou, psychiatre. Il précise que l'on peut guérir de cette maladie si elle est traitée à temps. Il invite donc la famille à être proche de la personne atteinte de cette maladie pour l'aider à en sortir. Les détails avec Alida Ndaïkez. La dépression est un trouble de l'humeur se caractérisant par un désespoir. Elle se situe au niveau du cerveau, comme l'explique Dr Sylvain Sakoubou, psychiatre. La dépression, c'est une pathologie mentale au niveau du système limbique, au niveau du système qui gère nos sentiments et nos émotions. Et plus précisément, c'est un trouble de l'humeur qui se modifie de façon négative, où la personne qui en souffre est polarisée négativement, c'est-à-dire il va sélectionner ses pensées et même son comportement, tout est négatif chez lui. Le Dr Sakoubou dit que cette maladie se manifeste par des douleurs sans base organique. Il y a plusieurs symptômes justement qui peuvent marquer que la personne souffre d'une dépression. Il y a ce qu'on appelle syndrome physique, c'est-à-dire la personne va se plaindre justement des douleurs partout, des lombalgies, des céphalées. Et la caractéristique de ces douleurs, de cette souffrance, c'est qu'ils n'ont pas de base organique. Quand je dis qu'il n'y a pas de base organique, c'est qu'on va faire justement des explorations paracliniques, c'est-à-dire les bilans biologiques, les examens seront tout à fait normaux. Mais la personne continue à souffrir. Le psychiatre Sakoubou explique que la dépression peut être causée par le vécu de l'individu. Les causes de la dépression sont vraiment très multiples. Biologiques, psychologiques et sociaux. Que ce soit les causes psychologiques, c'est-à-dire une souffrance psychologique d'origine familiale, d'origine environnementale, ou bien des causes sociales, c'est-à-dire les guerres et les conflits sociaux, ils vont entraîner justement des perturbations au niveau de la sphère qui gère nos sentiments et nos émotions. Ce sont les douleurs du vécu. Il dit également que toutes les personnes peuvent être atteintes de cette maladie. La grande catégorie justement des personnes à risque se situe au niveau des extrêmes des tranches d'âge. C'est-à-dire les personnes qui ne sont pas encore développées sur le plan cérébral, c'est-à-dire les enfants jusqu'à l'adolescence, également vers les tranches extrêmes à partir de 50 ans et plus. Tout en sachant que même les autres catégories peuvent être affectées, d'autant plus que le vécu justement des phénomènes psychosociaux, tout dépend justement de la structuration de la personnalité de chacun. Le traitement de cette maladie dépend du degré de gravité selon le docteur Sakoubou. Et le traitement qu'on peut administrer à des personnes qui souffrent de la dépression, tout dépend justement du degré ou bien de la gravité justement de la maladie dépressive. Au début, justement, quand ce n'est pas encore compliqué, des séances de psychothérapie peuvent justement aider, donner un espace où la personne qui souffre puisse verbaliser le ressenti, le vécu. et ça peut marcher justement au début. Mais en degré beaucoup plus avancé, on est obligé justement de passer par des médicaments chimiques, ce qu'on appelle une chimiothérapie, pour pouvoir justement aider à rétablir une bonne transmission justement au niveau des neuromédiateurs dans la sphère qui gère nos sentiments et nos émotions. Pour ce qui est de la prévention de cette maladie, le docteur Sakuru préconise une relaxation. La prévention, je pense, de la dépression passe par justement la prévention de tous ces facteurs qui sont à l'origine justement de la dépression. Ce sont des facteurs biopsychologiques et sociaux, que l'on vécu, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit et qui sont négatifs. Des psychothérapies, justement, bref, accompagnées avec des techniques de relaxation pour l'exercice physique peuvent être bénéfiques dans la prise en charge de la dépression. Docteur Sylvère Sakuru, psychiatre, dit que si la dépression n'est pas traitée à temps, elle peut pousser un individu au suicide. Merci Alida Ndaïkeza, merci à Dr Sylvère Sakuru pour ses éclairages sur la dépression. Ainsi se referme ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Également merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.